Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Après les Nations Unies et la Fédération internationale de Ligue des droits humains, l'ambassade de France à Bujumbura déplore elle aussi la radiation définitive de la Ligue Iteka des associations autorisées à travailler au Burundi. Et puis, des objets de commerce prohibés estimés à une valeur de plus de 21 millions de francs burundais ont été saisis au cours d'une opération conjointe dénommée Fagia Hobson 2 de la police Interpol. Nous aurons les précisions dans ce journal avec le directeur général de la police nationale, André Ndayambagé. L'administrateur de la commune Nyabikele en province de Karusi demande de l'aide en faveur de plus de la moitié de sa population frappée par la famine. Nakumuliango Leonidas précise que 8 collines sont concernées sur les 14 que compte sa commune. Pendant ce temps, 20% des ménages en province Muyinga sont réticents à la politique de subvention des engrais. Ils disent craindre les effets néfastes des fertilisants modernes. Nos correspondants nous donneront les détails de ces nouvelles. Et en actualité internationale, 15 Congolais de l'ethnie Bantou ont été tués ce jeudi dans une attaque attribuée à des pygmées dans un village de la province Tanganyika. C'est dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Captez Isanganilo, écoutez la différence. L'ambassade de France au Burundi déplore la décision des autorités burundaises de radier définitivement la plus ancienne organisation de défense des droits de l'homme, la Ligue Iteka, de la liste des associations autorisées à travailler au Burundi. Dans une déclaration rendue publique hier, la France rappelle son attachement au respect des libertés d'opinion et d'expression et réaffirme son soutien à l'action des organisations de défense des droits de l'homme partout dans le monde. Dans un communiqué sorti ce mercredi 4 janvier, l'Organisation des Nations Unies avait également appelé le gouvernement à revenir sur sa décision et à réexaminer les restrictions imposées aux autres organisations des droits de l'homme et de la société civile qui ont été sanctionnées ces 3 derniers mois. L'Organisation mondiale rappelle la contribution de cette Ligue dans l'amélioration du respect des droits de la personne humaine au Burundi. Pour la Fédération internationale des Ligues des droits humains, la dissolution de la Ligue Iteka est une décision absurde et funeste. La FIDH souligne que cette radiation intervient à la suite de la publication le 15 novembre 2016 de son rapport co-rédigé avec la Ligue Iteka. Pour rappel, la Ligue Iteka faisait jusque-là l'objet d'une mesure de suspension provisoire. Le ministère de l'Intérieur a expliqué que la Ligue Iteka continuait à ternir l'image du Burundi. Malgré sa suspension, elle était accusée depuis le 24 octobre dernier de perturbation de l'ordre et de la sûreté de l'État. Un fusil de type Kalachnikov et 46 cartouches ont été saisis sur la colline Higiro en commune Marangara de la province Ngozi. Selon l'administrateur de cette commune, l'arme appartenait à un commerçant récemment décédé qui le détenait illégalement. 8 personnes, dont son fils qui manipulait ce fusil, sont dans les mains de la police pour la suite des investigations. Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel. Le syndicat national des travailleurs de l'enseignement fondamental, SINATEF, demande au gouvernement burundais de revoir à la hausse les frais de mission pour les travailleurs qui vont en mission à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Cela a été dit par le président de ce syndicat au cours d'une conférence de presse qu'il a animée ce vendredi. Victor Ndabaniwe dit comprendre les mesures d'austérité prises par le gouvernement, mais trouve que les frais de mission d'aujourd'hui ne répondent pas aux besoins. On l'écoute. Il y a une doléance qui est soumise par le syndicat dont je suis responsable, préoccupation en rapport avec la révision de l'arrêté relative à l'octroi des frais de mission à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et c'est une mesure qui revêt une importance capitale, dans la mesure où bon nombre de travailleurs qui sont envoyés à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays par le gouvernement sont en grande partie préoccupés par les conditions de vie. Ils passent un bon moment en train de chercher l'hôtel et le restaurant au moins cher parce que vous savez, l'arrêté qui a été mis en place en 2006 donnait des frais de mission qui ne peuvent pas permettre aux travailleurs de tenir aujourd'hui à l'intérieur du pays avoir la chèreté de la vie. La première chose qui est très importante, c'est d'abord la compréhension. Si le gouvernement parvient à reconnaître réellement que 25 000, 35 000 francs qui est octroyé aux fonctionnaires qui sont envoyés à l'intérieur du pays ne répondent plus aux réalités du moment. Le reste, on espère que le gouvernement va adapter ses moyens de fonctionnement jusqu'à ce que ces fonctionnaires puissent être protégés lorsqu'ils sont sur le terrain et pour qu'ils puissent revenir avec des données fiables, des données pouvant permettre au gouvernement de faire des plans d'action, permettre au gouvernement de prendre des mesures qui coïncident avec les réalités reportées sur le terrain. Donc ce qui est nécessaire, ce n'est pas cette mesure d'austérité, ce qui est nécessaire, c'est que le gouvernement parvienne à comprendre, comme il nous a toujours compris. S'il parvient à comprendre, il va faire tout possible pour trouver au moins le minimum qu'il faut ajouter sur ses frais afin de pouvoir garantir aux travailleurs qui sont envoyés sur le terrain. Victor Ndawaniwe s'est aussi exprimé par rapport à la décision du ministère de l'Éducation suspendant provisoirement les cours de renforcement. Il demande que des textes régissant ces cours soient mis en place dans les plus brefs délais pour permettre aux écoliers de poursuivre ces cours d'une importance capitale. Des objets de commerce prohibés estimés à une valeur de plus de 21 millions de francs burundais ont été saisis au cours d'une opération conjointe dénommée Fagia Hobson 2 de la police Interpol, regroupant les pays de la communauté est-africaine. L'opération, pilotée par la police burundaise, a été organisée en date des 15 et 16 décembre dernier, selon le directeur général de la police nationale, André Ndayambaje, qui précise que c'est dans le cadre de la lutte contre ces crimes transnationaux organisés. Suivez-le, il énumère ici les objets qui ont été saisis du côté du Burundi. Les produits qui ont été saisis ou détruits lors de cette opération conjointe sont les suivants. 29 736 litres de boissons prohibées, communément appelées Umudrink, Kanyanga, Kampucha, Igiti, Umuraha, Umunanas, ont été saisis et détruits. Divers médicaments composés essentiellement de 110 paquets, 7 plaquettes, 337 boîtes, 83 flacons, 273 bouteilles, 4 bouteilles, ampoules, 4 sachets, 4 tubes ont été saisis. 209 paquets d'aliments distribués par le Programme alimentaire mondial ont été saisis. 12 usines traditionnelles de boissons prohibées Kanyanga ont été détruites. 2 usines traditionnelles de boissons prohibées Karagasoke ont été détruites. Au cours de cette opération, la police a également appréhendé 26 malfaiteurs impliqués dans cette catégorie de crimes transnationaux visés par l'opération conjointe. Tous les objets saisis avaient une valeur estimée à 21 283 000 francs bou, soit 12 520 dollars américains. D'autres crimes et délits ont été constatés. Il s'agit notamment du trafic de stupéfiants. 235 boules de chanvre ont été saisies. Un filet Maya a été saisi. 19 vélos et 5 motos volés ont été saisis. 14 voleurs qualifiés ont été appréhendés. 97 commerçants ambulants ont été interpellés. André Ndayambaje, c'est le directeur général de la police nationale. La police Interpol de l'EAC regroupe 13 pays, dont le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, la Somalie, l'Éthiopie, le Soudan du Sud, l'Érythrée, les Comores, les îles Seychelles et le Djibouti. Le maire de la ville de Bujumbura appelle les administratifs communaux et zonaux à sanctionner les bénéficiaires de sucre Sosumo qui ne respectent pas le prix fixé par le gouvernement. Freddy Monima dit avoir des inquiétudes à propos des commerçants qui s'approvisionnent en sucre et le cash, notamment en zone urbaine de Kinindo. Le patron de la municipalité de Bujumbura ne reconnaît que le prix d'un kilo de sucre dépasse le prix officiel. Constatons sur terrain que le sucre n'est pas disponible. Même si on parvient à avoir un kilo, c'est sur un prix exorbitant qui ne respecte pas la nouvelle structure de ce sous-mont. Alors, nous avons discuté avec les administratifs à la base. Nous avons constaté que certains bénéficiaires n'avaient pas encore réuni tous les moyens pour pouvoir aller s'approvisionner à la société Sosumo. De deux, la société Sosumo ne peut pas servir rapidement étant donné qu'ils ont très peu de travailleurs, mais nous pensons qu'ils vont se pencher sur cette question pour que le sucre soit disponible rapidement. Mais une inquiétude que nous avons, c'est au niveau de nos agents, au niveau de l'administration. Il faut qu'ils s'impliquent sérieusement pour voir les bénéficiaires s'ils donnent le sucre au prix connu légalement. Sinon, il faut qu'ils appliquent des sanctions en matière pour décourager ces gens-là qui veulent hausser le prix qui est en dehors du prix normal. Nous lançons également un appel aux administratifs. Surtout, nous avons entendu qu'au niveau de la zone Kinindo, ceux qui ont déjà reçu le sucre et l'ont caché, et ne veulent pas répondre à l'administration, qu'ils soient sanctionnés, qu'ils peuvent être retirés des listes des bénéficiaires pour qu'on donne aux gens crédibles et qui respectent la réglementation. Et au niveau de la mairie, qui confectionne les listes, est-ce que ces listes des bénéficiaires de ce sucre sont les mêmes à la mairie de Bujumbura qu'à la Sosumo? Effectivement, les listes proviennent de l'administration et à un autre niveau, nous avalisons cette liste et nous la transmettons au niveau de la Sosumo. Les bénéficiaires se trouvent sur ces listes qui sont connues par la mairie et la Sosumo. Cette chaîne est claire et on devrait aussi contrôler rigoureusement si les vrais bénéficiaires arrivent à distribuer le sucre dans la population concernée. C'était Freddy Mbonima, maire de la ville de Bujumbura, dont les propos ont été recueillis par Mireille Kanyangé. La société de téléphonie mobile Connect Léo modifie ses tarifs conformément à la taxe applicable aux communications téléphoniques nationales, telle que proposée par le gouvernement, passant de 42 francs bourgeois à 52 francs burundais la minute. Ainsi, la tarification des appels entre les membres du groupe Flotte passe de 50 à 60 francs burundais pour les appels du même groupe, de 100 à 110 francs bourgeois pour les appels intranet en dehors du groupe. Le tarif des appels vers les autres opérateurs passe de 168 francs à 178 francs bourgeois la minute. Il est 13h09 à Bujumbura. Isanganiro, la radio de l'avenir. L'Agence burundaise de promotion des investissements, API, se réjouit de ses réalisations pour l'année écoulée et de la position qu'occupe le Burundi en matière de création des entreprises. Selon Didas Ngendakumana, directeur de l'API, plus de 2000 entreprises ont été immatriculées, ce qui a permis au Burundi d'être placé 18e sur les 190 économies évaluées. Toutefois, l'API reconnaît que le Burundi a fait un recul de 2 places selon le rapport de Doing Business. Didas Ngendakumana explique que la raison majeure a été la période évaluée qui coïncidait à la période électorale au Burundi. Suivez-le. Du 1er janvier au 31 décembre 2016, au total, 2164 entreprises ont été immatriculées à travers le guichet unique de création des sociétés, contre 1529 entreprises en 2015, soit un accroissement de plus de 41%. Le nombre de projections des emplois s'élève à 17460 contre 13110 pour l'année 2015, soit une augmentation de plus de 33%. L'API a accordé au cours de l'année 2016 14 certificats d'éligibilité aux avantages du Code des investissements. Le Burundi se classe au 18e niveau parmi les 190 économies évaluées par la Banque mondiale et occupe la première place dans la communauté de l'Afrique de l'Est. Si nous considérons tous les indicateurs évalués de façon globale, le rapport Doing Business 2017 classe le Burundi au 157e rang parmi les 190 économies évaluées, avec un recul de 2 places par rapport au rapport Doing Business 2016. La raison majeure est due à ce que la période qui a été prise en compte pour évaluer les économies des 190 pays était pour une partie, chez nous on était dans une période électorale. Lors des élections, c'est difficile de s'y mettre vraiment de façon assidue, quitte à ce que des réformes qui étaient envisagées n'ont pas vraiment abouti à des résultats escomptés à cause de cette période électorale qui constituait une partie si la période évaluée. Didas Ngendakumana, c'est le directeur de l'Agence burundaise de promotion des investissements, puis donné propos ont été recueillis par Placide Niyomongere. Et l'entreprise Brarudi entend harmoniser les prix de ses boissons sur tout le territoire national. Et pour y arriver, la chargée de la communication au sein de cette entreprise indique que la Brarudi a un contrat avec des distributeurs qui vont acheminer les produits Brarudi au point de vente. Nelly Bazikamwe précise que l'objectif est de réduire à zéro le coût de transport à la charge des détaillants pour qu'ils puissent à leur tour vendre au prix de la Brarudi. On l'écoute. L'objectif est de pouvoir aider le consommateur à pouvoir continuer à acheter nos produits sur le produit recommandé consommateur. Comment est-ce que cela doit se faire? La Brarudi a mis en place le système de pouvoir acheminer nos produits vers nos centres les plus proches de nos clients, c'est-à-dire les SSD, là où ils se trouvent dans tout le pays, pour permettre à ces gens de pouvoir venir s'approvisionner tout près de leur point de vente. Il y a des vendeurs ou des détaillants qui se plaignent comme quoi ils investissent dans le transport pour aller acheter les boissons de la Brarudi au niveau des SSD. Comment compenser les frais investis dans ce transport? Tout ce que je vous dirais, c'est qu'aujourd'hui, ce transport, c'est comme s'il n'était plus existant. Le nouveau système que nous venons de mettre en place prévoit que celui qui viendra s'approvisionner au SSD soit celui qui se trouve tout près. Sinon, ceux qui sont un peu plus éloignés, nous avons des distributeurs qui ont un contrat avec la Brarudi qui vont pouvoir nous aider à distribuer, c'est-à-dire acheminer nos produits vers les points de vente qui sont plus éloignés des SSD. Aujourd'hui, donc, nous pouvons rassurer les consommateurs que dans l'optique de pouvoir acheter au prix recommandé consommateur que nous avons récemment annoncé, cela pourra se faire dans les jours à venir, notamment si le cheminement, c'est-à-dire depuis les SSD vers les points de vente, est suivi. À vous entendre, les distributeurs qui ont un contrat avec la Brarudi vont acheminer les produits de la Brarudi vers les détaillants. C'est ça que nous souhaitons, c'est le souhait de la Brarudi. Parce que pour pouvoir avoir le prix recommandé et respecté, c'est-à-dire que nous devons supprimer tous les frais de transport qui existaient au départ. Donc le souhait, c'est que le détaillant puisse avoir les produits au prix recommandé et qu'il puisse lui aussi pouvoir vendre au prix recommandé consommateur. Voilà, c'était Nelly Bazikamwe, elle est chargée de la communication à la brasserie du Burundi, la Brarudi. Et certains domestiques du quartier Mutanga Nord, en commune Guhosha de la mairie de Bujumbura, se lamentent parce que des inconnus leur extorquent une certaine somme d'argent pour acheter des cartes d'identification pour leur métier. Le représentant du collectif des associations des travailleurs domestiques au Burundi explique que ces cartes ne signifient pas l'adhésion, mais plutôt que c'est pour les identifier. Nouvelle des provinces à présent, les habitants de 8 collines sur les 14 de la commune Nyabikere en province Karuzi sont frappés par la famine, selon l'administrateur de cette commune. Nakumbu Diango Leonidas demande de l'aide en faveur de cette population, surtout en termes de semences de patates douces. Correspondance de Blaise Pascal Kararumiye. L'administrateur Nakumbu Diango Leonidas de la commune Nyabikere, province Karuzi, indique que dans les 8 collines sur les 14 collines que compte cette commune de Nyabikere, la population se trouve dans une famine sans merci. Il fait savoir que cette population manque cruellement de vivres, qu'elle n'a plus à mettre sous la dent. L'administrateur communal explique que cette situation de famine est conséquente des pluies torrentielles mêlées de grêle qui ont détruit les cultures des champs de cette population au mois de décembre passé. Il signale que cette même pluie était venue après une sécheresse qui s'était prolongée jusqu'au mois de novembre. Leondas Nakumbu Diango indique avoir lancé cet appel demande d'aide au gouverneur de la province pour que ce dernier intercède pour lui auprès des responsables des autres provinces et sans oublier ses collègues administrateurs communaux de Karuzi. L'administrateur communal de Nyabikere demande une aide de vivres de semences telles que les boutures de patates douces pour sa population des collines de Maranza, Mbabazi, Ngugo, Butamenwa, Mazita, Gwandagaro, Nyarunazi et Tava. Karuzi, Blaise Pascal Kararumiye pour Radio Isanganiro. Merci Blaise Pascal Kararumiye. Plus de 1300 hectares de marais ont été aménagés par le programme de développement des filières en province Ngozi en vue d'y semer du riz et du maïs en suivant les pratiques agricoles modernes. L'objectif étant de diminuer le taux de malnutrition dans cette province où il est le plus élevé au Burundi selon le responsable du Prodéfi, Apollinaire Muzagara. Selon les rapports de la FAO et de l'UNICEF, la province Ngozi accuse un taux de malnutrition le plus élevé du Burundi, soit environ 70%. Pour faire face à ce défi, des actions sont en cours, comme l'indique le coordinateur régional du programme de développement des filières, David Zissabi. Parmi ces actions, l'aménagement des marais pour les rendre plus productifs. Jusqu'à maintenant, 1357 hectares de marais rizicoles et de maïs ont été aménagés dans cette province, ayant au total environ 14 000 hectares de marais. Selon cet ingénieur agronome, la production rizicole est passée de 1,5 à 5,7 tonnes par hectare pour les marais déjà aménagés. Dans la même perspective de diminuer le taux de malnutrition, 1518 vaches traitières de race et frisonne, donnant en moyenne 6 litres de lait par jour, ont été distribuées dans cette province. Les quantités traitées le matin sont vendues au moment où celles produites le soir sont consommées, souligne le représentant du Prodef, ingénieur David Nisavira, assure que toutes ces actions en cours ajoutées à la campagne de sensibilisation sur la lutte contre la malnutrition vont réduire sensiblement ce taux de malnutrition en province Ngozi, Apone Muzagara, Radio Sanganis. Et en province Muyinga, moins de 20% des ménages agricoles adhèrent à la politique nationale de subvention d'engrais au Burundi. Et cela est dû à l'ignorance de certains cultivateurs qui ont des craintes quant aux effets néfastes des fertilisants modernes. Dieudonné Nzeyimana. Plus de 9 400 ménages agricoles de la province Muyinga utilisent les fertilisants modernes obtenus via le programme national de subvention des engrais au Burundi. Aujourd'hui, les ménages sont à la phase de paiement de la solde pour la saison B 2017. Ces ménages représentent un pourcentage de 18% de 159 000 ménages de la province Muyinga. D'après le GFN de Guéa, directeur du secteur agro-pastoral à Muyinga, certains des agriculteurs hésitent encore à utiliser les engrais chimiques par ignorance. En commune de Guitéranie, où seulement 8% des ménages adhèrent à la politique d'usage des engrais subventionnés, les agriculteurs croient encore à la fertilité de leurs terres. Les rumeurs annoncent des effets acidifiants des fertilisants modernes. De fausses informations, d'après le directeur provincial de l'agriculture et l'élevage en province Muyinga, pour qui ce sont des propos de ceux qui font un mauvais usage des engrais. Pas de solution miracle si on veut accroître la production et lutter contre la faim. L'intensification agricole doit recourir aux fertilisants modernes à mélanger avec la fumière locale. D'après son directeur, il faut continuer la mobilisation des agriculteurs à cet effet. Mais aujourd'hui, la grande préoccupation des ménages est plutôt la disette qui s'annonce. On s'apprêtait à récolter le haricot et le maïs, mais pour la saison culturelle, la réalité des pluies pousse au désespoir de pouvoir récolter pour les propriétaires des plantes encore à la phase de floraison. Dieudonné Nzeyimana, Muyinga pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné. Dans la province de Makamba, il y a eu un vent violent le soir de ce jeudi. Les nuages sont devenus noirs dans la colline Utaketkwa, en zone Guitara de la commune Mabanda. C'était des tourbillons au cours desquels trois maisons ont été emportées par le vent et des champs de bananes dévastés. Le gouverneur de cette province, Gad Niyukuri, tranquillise la population, affirmant que cette population a eu plus de peur que de mal, puisqu'il n'y a pas eu de morts ni de blessés. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, 15 Bantous ont été tués jeudi dans une attaque attribuée à des pygmées dans un village de la province de Tanganyika dans le sud-est de la RDC. Des conflits communautaires meurtriers seraient à l'origine. Au Mali, les jeunes soupçonnés d'être des djihadistes ont été libérés. Certains sont mis sous contrôle judiciaire. Au total, une vingtaine de libérations ont eu lieu au cours de ces trois dernières semaines à Bamako. Et on vous parlera également de ce qui se passe au Tchad, où des frontières entre ce pays avec la Libye ont été fermé. Dorine Dairolere. Au Tchad, le premier ministre tchadien Albert Pahimini Padaket a annoncé jeudi après-midi à son cabinet que le Tchad ferme ses frontières avec la Libye. Ce ministre a expliqué que la frontière de son pays est fermée pour des raisons de sécurité contre les terroristes de Daesh venant de la Libye et qui convergent vers le Tchad. Selon le site web de la BBC, l'annonce du premier ministre vient renforcer l'arrêté du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique pris il y a deux semaines. Dans ce contexte, le ministre de l'Intérieur a interdit toute entrée des Tchadiens en territoire libyen. En RDC, des affrontements entre Bantous et Pygmées d'ethnie Twa dans le village de Piana Mwanga ont fait aujourd'hui 15 morts parmi les Bantous, 37 blessés et 65 maisons incendiées, a déclaré à l'AFP Mgr Vincent de Paul Kwanga, évêque du diocèse de Manono au sud-est du Congo. Selon le site web du journal Africa Time, il y a eu aujourd'hui une attaque attribuée aux Pygmées à Piana Mwanga contre des Bantous, mais le bilan exact des personnes tuées n'est pas encore connu. Les tensions entre les deux communautés sont antérieures depuis 1960 à l'indépendance de la RDC. Et au Mali, les jeunes qui étaient accusés d'être des présumés djihadistes et arrêtés au centre du Mali depuis quelques semaines pour certains, depuis plusieurs semaines pour d'autres, et avaient été transférés à Bamako, ont été libérés. Mais de plus en plus, la justice malienne ne retient plus rien ou quasiment rien contre eux. Comme le lisons sur le site web de la RFI, on compte au total plus d'une vingtaine de libérations au cours de ces dernières semaines, dont deux ce jeudi. Quasiment tous les jeunes sont des pelles originaires de la région de Mopti. Mais d'après Maître Hassan Barry, un avocat et ancien ministre, d'autres jeunes soupçonnés d'être djihadistes sont toujours emprisonnés alors qu'ils sont innocents. Ils demandent leur libération. Dorine Ndayirolere, c'est par ces nouvelles brèves internationales que nous refermons ce journal en disant merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Eric Kouimana pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Douimana, nous vous souhaitons de passer un très bon après-midi et bon week-end déjà.